De retour à Futur Simple, il est 18h02 et nous entamerons la deuxième partie de l'émission. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient la tradition selon laquelle les parents habillent leurs petites filles en rose et leurs petits garçons en bleu? Alors, pour nous l'expliquer, je reçois Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Alors Marie-Claude, c'est un sujet un peu qui rompt avec les précédents que tu avais déjà abordés à l'émission. Oui, en fait, je me suis inspirée du fait que j'ai longtemps travaillé dans une boutique de vêtements pour enfants et je me suis mise à me demander pourquoi on devait absolument habiller une fille en rose et un garçon en bleu. Et mon questionnement s'est vite transformé en « depuis quand ?». Et j'ai eu ma réponse avec l'ouvrage de Joe Paoletti qui s'intitule « Pink and Blue » qui est paru en 2012. Et c'est là qu'on voit que cette attribution de couleurs genrées, donc propre à un sexe, n'a pas toujours été une pratique commune. Et là, on se demande d'où vient cette convention-là. Et en regardant la photo de l'enfant Franklin Delano Roosevelt, le futur président des États-Unis des années 30 et 40, on remarque que le petit garçon porte une robe blanche. Et en plus, sur la photo, il a à peu près 2 ou 3 ans, et il y a aussi les cheveux longs. Alors, les conventions sociales des années 1880 étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. Et à quand remonte une telle pratique vestimentaire? Enfin, à un certain moment, je dirais dans l'histoire, au moins à partir du 18e siècle, c'est là qu'on va mettre les bébés et les enfants de bas âge dans des robes blanches. Et c'est une pratique qu'on voit jusqu'au début du 20e siècle. Et les garçons vont éventuellement adopter les pantalons au moment du breeching, qui est un rite de passage où on mettait des culottes, ce qu'on appelle en anglais les breeches, aux garçons et où le père va s'impliquer dans l'éducation de son fils. Et donc, ce breeching-là pouvait se faire jusqu'à l'âge de 7 et 8 ans. Donc, on se rappelle, le garçon portait relativement des robes jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans. Et vers la fin du 19e siècle, l'âge va éventuellement baisser, donc à 4 ou 5 ans. Mais on va pas mettre les garçons en pantalon à proprement parler comme on l'entend aujourd'hui. On va opter plutôt pour des knickerbockers, qui est une sorte de culotte bouffante. Quelle était la raison pour faire porter une robe aux jeunes enfants? Mais en fait, il y en avait plusieurs. La principale, disons, était le côté pratique pour les changements de couches des bébés et l'apprentissage de la propreté pour les plus vieux. Mais il y a aussi le fait que les robes, ça vieillit mieux ou ça grandit mieux avec l'enfant. Il y a une certaine époque où les tissus étaient hors de prix, mais ça permettait quand même de sauver quelques dollars dans le budget là, sur les vêtements. Mais il y a aussi le fait que la robe était plus facile à mettre, contrairement aux vêtements qu'on mettait pour les enfants plus vieux. D'ailleurs, le changement, le breeching, tombait fort probablement dans une période où les enfants étaient beaucoup plus manuels, donc capables d'enfiler les vêtements aux fixations qui étaient plus compliquées, là, comme d'ailleurs les culottes. Mais ajoutons aussi le fait que les vêtements étaient blancs, mais ça l'aide aussi pour le lavage. Veux, veux pas, le blanchiment était plus efficace à l'époque que le lavage des couleurs. Mais cette pratique-là vestimentaire va s'estomper vers les années 1910. On compte, par exemple, les robes de baptême encore aujourd'hui qui sont utilisées, et elle va disparaître entièrement dans les années 40-50. Donc, c'est quand même dire que les robes blanches ont été l'attirail de nos grands-parents. Et donc, à une autre époque, c'était l'âge, et là, on a le nom, le sexe de l'enfant qui dictait ce que l'on devait porter. Du fait que les vêtements étaient blancs, est-ce que les gens étaient dérangés par l'impossibilité de savoir si c'était un bébé fille ou garçon? Je dirais que vraisemblablement que non. Parce que d'une part, les bébés, à une certaine époque, n'étaient pas sortis au grand jour comme on le fait aujourd'hui. Mais il y a aussi l'idée que c'était mal vu de donner une caractéristique féminine ou masculine à un bébé. En fait, on vantait une innocence asexuée des nourrissons. Et pour la petite anecdote, il y a un fabricant de nourriture pour bébés qui s'appelle Méline, qui ont reconnu un peu l'humour là derrière le fait qu'on reconnaisse pas le sexe des bébés quand on les voit. Et ils ont conçu dans le Ladies Home Journal un concours où les électeurs avaient à deviner le sexe de 20 bébés avec 20 photos différentes. Et d'ailleurs, il y a personne qui a pu gagner ce concours-là. Donc, c'est pour dire que c'est quand même assez difficile de savoir le sexe du bébé quand on n'a pas un pyjama de couleur là, qui peut nous aider. Mais imaginez-vous, par exemple, un tel exemple aujourd'hui. J'ai vraiment la misère à croire que les parents voudraient participer à un tel jeu. Les temps changent, vraisemblablement. Oui, tout à fait. Et qu'en est-il de toute cette question de couleur maintenant? Mais, éventuellement, le blanc va disparaître aussi. On va apprécier des couleurs plus foncées qui permettent de cacher tout ce qui est sale et les tâches. Ceci va donner, en fait, au moment plus de temps à s'affairer à d'autres tâches et à, ou bien à s'occuper de leur enfant au lieu de faire du lavage. Et lorsque les couleurs apparaissent dans le paysage vestimentaire des enfants, on va proposer de mettre du rose aux garçons et du bleu aux petites filles. Ah bon? Et là, règle générale, ce sont la mode, la complexion de l'enfant et la saison qui donnaient une idée de la couleur ou de la teinte à porter. Et même que d'après le magazine Earnshaw, un article qui date de l'été 1918, la raison qu'on mettait le rose pour un garçon, c'est que c'était une couleur plus prononcée et plus forte, qui était plus appropriée pour un garçon, tandis que le bleu était plus délicat, plus mignon, donc plus joli pour les petites filles. Mais d'un autre côté, on disait aussi que le bleu était flatteur pour les blonds et le rose était pour les bruns, et donc tout sexe confondu. Mais c'est une mode qui va se dissiper, elle aussi, vers les années 40. Mais c'est sûr que c'était pas coulé dans le béton. C'était encore facile de voir un garçon porter du rose dans les années 40-50. Et donc, la transition n'a jamais été claire, mais elle a été aidée par les fabricants de vêtements pour enfants. OK. Et de quelle façon? En fait, le plus que les fabricants concevaient des habillements pour un enfant en particulier, et le sexe du bébé était la façon la plus simple et la plus évidente de distinguer les bébés, mais plus il serait difficile aux parents de donner des vêtements roses de la première petite fille au second garçon qui venait d'arriver au monde. Et donc, ils devaient en acheter de plus en plus au fur et à mesure que les bébés naissaient, que la famille grandissait. Donc, c'est très un principe très économique. Tout à fait. Et aujourd'hui, on voit un changement qui se présente dans les boutiques de vêtements pour enfants. C'est l'arrivée d'une sorte d'utilisation rebelle de la couleur rose. Autant que les vêtements de garçons peuvent maintenant aborder les couleurs rose et mauve, autant qu'on va rechercher une plus grande palette de couleurs chez la fille aussi. Il y a une réticence qui va se sentir toutefois auprès de l'habillement des bébés, parce qu'encore une fois, c'est dur de savoir le sexe. Donc, le rose n'est pas, il n'est jamais utilisé pour les bébés garçons. Néanmoins, on voit un plus grand choix de couleurs unisexes, donc qui va être souvent utilisé pour les jeunes filles, telles que le gris et le turquoise. Mais en fait, ça fait partie de l'évolution moderne du rose comme couleur pour les bébés. Et comment se dessine cette évolution? Au départ, on se retrouve avec la palette de couleurs pastel pour les bébés, qui inclut le rose, bien entendu, après la longue utilisation de la couleur blanche. Mais à partir de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, on va rechercher des couleurs et des teintes de rose plus vives pour les bébés. C'est que les nouvelles études sur le développement de l'enfance à l'époque démontraient que les bébés préféraient les couleurs qui contrastaient. On peut aussi ajouter à un autre moteur à ce changement-là, qui est l'association qu'on faisait du rose pastel avec le rôle traditionnel féminin et la féminité, en fait, en général. Une association qui se heurtait au mouvement de la libération de la femme au même moment. Mais le rose va retourner en force vers la fin des années 80 et va devenir enfin un impératif moral pour les jeunes filles de 3 à 7 ans, même je dirais pour les bébés, et jusqu'à 7 ans. Et aujourd'hui, et ce depuis les années 2000, on tente tant bien que mal de se départir de ce rose-là chez les filles, notamment, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, avec l'arrivée très massive, la couleur grise dans les vêtements pour enfants et pour bébés. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Claude Dionne, pour ces explications. Alors, on fait une courte pause musicale et on vous revient avec Cindy Beaulieu de l'INRS qui va nous parler de son projet de maîtrise. Alors, restez avec nous.